Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette revue de presse JV, plus spéciale que jamais. Vous l'avez vu sur le titre, c'est une édition un petit peu spéciale. Alors vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce coup fourré, Bruno? Qu'est-ce que tu nous prépares encore? En fait, ce qui se passe, c'est que la situation, vous ne le savez que trop bien, est très particulière en ce moment. Et je ne peux à nouveau pas vous délivrer une émission classique. Je vais la faire très très courte. Mais bon, que ce soit au niveau de la caboche ou au niveau de l'emploi du temps, au niveau du physique, tout ce que vous voulez, je suis en mode éreinté, totalement HS, pour X raisons. Période assez compliquée. D'autant plus compliquée que pour vous, pour nous, effectivement, c'est le confinement. Donc si vous entendez à côté des tac tac tac tac tac des bruits de gun et autres, c'est parce que Axel, mon fils, là, est en train de jouer à Fortnite là en ce moment même. Pour vous dire aussi que, alors, par rapport à cette situation de confinement, pour vous apporter mon humble soutien, qui va pas servir à grand chose bien sûr, mais bon, je vous souhaite bon courage pour tout ça. C'est pas évident, nous on n'a pas de jardin ici, et c'est vrai que pour le petit notamment, ça commence à devenir très compliqué, même si il faut toujours relativiser, comme je le dis, on a tout le confort moderne à la maison, et c'est pas le cas de tout le monde, donc il faut quand même là-dessus relativiser un peu, mais ça devient effectivement très très compliqué. Pour vous dire, surtout là je m'adresse à ceux qui sont parents, c'est vrai que les jeux vidéo en ligne, alors qu'on peut parfois pointer du doigt, puisque les enfants parfois sont un petit peu trop accros, que ce soit Fortnite ou autre, mais je trouve ça très intéressant, puisque je vois Axel, ça lui permet tout en jouant de discuter avec son cousin, avec des amis de son cousin qu'il ne connaît pas, et ça permet quand même de garder du lien social malgré tout. Et j'ai souvent parlé de ça, des bienfaits du jeu vidéo, quel que soit l'âge, et au niveau communication, au niveau sociabilité, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très intéressant, surtout en ces temps compliqués, en espérant que les serveurs pètent pas. Alors bien sûr, l'idée c'est pas non plus de poser vos gamins devant un jeu en ligne du matin au soir. Bien évidemment, il faut varier, et puis il y a aussi les devoirs à faire, pas mal de choses, mais sur des sessions dans la journée, ça peut vraiment être très intéressant, et quoi de mieux que le jeu vidéo pour s'évader finalement, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc une édition un petit peu spéciale, pas classique. J'aurais pu vous faire un dossier sur la guerre des teraflops, qui est un peu plus compliqué que ça, entre la Xbox Series X, la PlayStation 5, etc. Coucou Marc Cerny, qui nous a fait une conf GDC réenregistrée pour tout le monde, qui a bien plombé tout le monde, même si ce qui s'est dit est extrêmement intéressant. Mais justement, le but, c'est pas de rentrer dans ces détails-là ce matin. Émission très spéciale, toujours avec toute l'humilité du monde. J'avais envie de que vous changez un petit peu les idées ce matin. Donc, vous avez vu le titre de cette édition particulière, c'est Rétro et Musique. Alors, la partie rétro, c'est quoi? C'est ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent bien, que avant, quand j'avais le temps de faire l'édition quotidiennement, l'une des récompenses des tipeurs à partir d'un certain seuil, c'était une édition rétro chaque samedi. Voilà, ça c'est vraiment quand je pouvais consacrer toute ma semaine entièrement à la revue de presse JV, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais régulièrement, après, avec les tipeurs, avec leur accord, je vous ai délivré ici et là des éditions rétro. Donc là, je vous livre des éditions rétro, donc certaines qui n'ont pas été mises sur le flux, je dirais, public. Le flux, celui que vous écoutez là, de la revue de presse JV. Donc, des sujets rétro, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je reprends des articles dans la presse rétro de mes vieux magazines de l'époque. Alors maintenant, je les ai quasiment plus, que j'ai tout donné avec mes vieilles machines à MO5, que je salue chaleureusement. Courage à vous les gars aussi. Des sujets lus dans la presse rétro, donc la presse de l'époque. Et un sujet, voilà un petit peu le programme qu'il va y avoir. Donc il y a un sujet rétro qui va être coupé de musique, de jeux vidéo qui n'existent pas. Je vous explique, ceux qui me suivent savent que j'ai un petit bandcamp et je bricole des morceaux de musique, des morceaux de jeux qui n'existent pas. Donc c'est des morceaux que je compose et certains ne sont pas encore sur mon bandcamp. J'ai quelques morceaux de retard que je dois publier sur mon bandcamp. Et humblement, je vous les livre pour certains d'entre eux en avant-première dans cette émission un petit peu spéciale. Voilà, donc on va commencer avec un premier morceau. Alors, c'est quoi le principe? C'est que je m'imagine des jeux qui n'existent pas avec une musique qui colle. Voilà, c'est vraiment des morceaux de musique que j'imagine être de la game music, sur des jeux. Donc vous allez voir. Et puis les sujets rétro entrent. Alors, certains de ces sujets rétro, je reviens sur les revues de presse rétro, ont été enregistrés il y a très longtemps. Donc j'avais peut-être pas la même assurance au micro que maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous, y compris au niveau de la qualité du son, elle est tout à fait correcte, hein, tout à fait audible, mais je n'avais pas, voilà, ce, humblement, ce petit skills. Oui, humblement, c'est le mot de la semaine. Voilà, pour vous aussi, avant qu'on attaque, avant de lancer le premier morceau et les premiers sujets rétro, pour vous remercier, chers tipeurs, chers Patreon, hein, on a deux Patreon, alors je vous remercie vraiment tous énormément. Il y a beaucoup de retard sur les grandes revues de presse JV par rapport aux raisons que j'évoquais au tout début, donc vraiment veuillez me pardonner. Voilà, je suis vraiment désolé, la grande revue va revenir, les éditions classiques bien sûr vont revenir aussi, ne vous inquiétez pas, mais merci pour votre soutien. Voilà, alors que ça canarde bien dans Fortnite derrière moi, merci à ceux qui m'aident, voilà, sur Tipeee, sur Patreon, vraiment je vous remercie du fond du cœur à nouveau. Merci à tous les auditeurs et les auditrices pour votre fidélité. On va attaquer donc avec le premier morceau de ces compositions fait maison par votre serviteur. Voilà, puis si vous avez envie de partager mon Bandcamp, hein, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je dois encore mettre quelques morceaux en ligne, mais il y en a déjà quelques-uns. Bah, je vous souhaite une excellente émission. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Respectez les consignes, c'est super important. Et j'espère que cet humble podcast... Oui, humble, c'est le mot de la semaine. Je vais l'appeler le podcast humble. Hein. J'espère donc que ce podcast va vous, voilà, vous changer un petit peu les idées en ces temps assez compliqués. Et donc, on attaque avec le premier morceau tout de suite. Et les sujets rétro et d'autres morceaux, c'est la fête, c'est paillettes, c'est trompettes. Allez, c'est parti. Oyez, oyez, chers tipeurs, laissez-moi vous conter l'histoire des meilleurs graphistes du monde en l'an de grâce 1990, à savoir dans le numéro 79 d'un bon vieux tilt des familles que j'ai retrouvé dans mes cartons à souvenirs. C'est un dossier, alors qui est extrêmement long, hein, et donc pour cette revue de presse rétro, je ne vais pas non plus vous le lire comme ça bêtement du début jusqu'à la fin, puisqu'il est très très long. Ce dossier, hein, intitulé « Les dieux » du pixel. Donc revient sur des graphistes français de l'époque, de talentueux graphistes qui nous expliquent leur méthode, leur histoire, leur petite technique, leur formation. Pour les amateurs, il y a du trivia, en veux-tu, en voilà, mon bon ami. Le dossier s'ouvre ainsi. Pendant 2 semaines, hein, je cite, hein, Tilt a rencontré pour vous les meilleurs graphistes français du moment. Le but de l'opération, faire toute la lumière sur cette profession passionnante et communiquer aux lecteurs férus de pixels quelques recettes magiques. Âgés de 20 à 34 ans, ceux qui ont fait BAT, les voyageurs du temps ou Téniscope sont passionnés par le dessin sur micro. Plus que tout, c'est l'animation et les nouvelles techniques de dessin qui les poussent tous les jours à faire mieux. Ce dossier se décompose donc en plusieurs parties. Comment travaillent les dieux du pixel? Comment vivent-ils leur passion? Et pour quel salaire? Suivent enfin 8 astuces de pro pour les accros de la palette et du pinceau. Alors pour les fans, hein, on trouve des images absolument sublimes de travaux, que ce soit d'Éric Chailly, de Philippe Dessoli, ça c'est des noms qui doivent vous parler, Stéphane Pollard. On voit les étapes de la forme rudimentaire, hein, du décor jusqu'à sa version finale. Si cela vous intéresse, hein, je peux vous mettre sur le Tipeee des petits screenshots que je ferai avec mon super iPhone 5 qui rame en ce moment. Bref, c'est un autre débat. Hein. Donc ce dossier nous dit... Qui sont-ils? Que font-ils? Et comment le font-ils? Les graphistes de la microludique nous font vibrer un peu plus tous les jours. Pour l'équipe de Tilt et tous ses lecteurs, quoi de plus naturel que de chercher à comprendre, à connaître ces dieux du pixel, ces magiciens de la loupe? 8 des plus grands graphistes français du moment analysent leur profession, nous dévoilent leurs techniques, nous font part de leur passion, la nôtre aussi. Celle du jeu. Pour décrire au mieux ce que représente le métier de graphiste microludique, il nous a semblé important d'aborder les phases de travail dans l'ordre chronologique de la mise en place d'un programme. Le dossier énumère les étapes, hein, les étapes de travail de ces graphistes, hein, des années 90. On nous dit la première étape est de rechercher la vue, V-U-E, la vue. Cette fameuse vue sur laquelle ont insisté tous les graphistes interviewés, nous dit-il, suit directement l'étude du scénario. Pour un soft d'arts martiaux, par exemple, la question est la suivante. Le ring sera-t-il vu de face, de côté ou de haut? Question évidente, bien sûr, mais dont la réponse incombe très souvent au graphiste. C'est lui qui va le plus souvent proposer des ébauches papier, parfois un dessin complet de l'écran du jeu principal. Pour la création d'un soft, hein, il vous faudra donc dessiner un écran de base, définir un scrolling pour les softs d'action, définir aussi les échelles de taille des personnages et calculer le nombre de positions, c'est-à-dire le nombre des animations. Sur les storyboards, hein, cette dominance du graphisme comme base de réflexion est évidente. Sans remettre en doute l'importance du scénario et plus tard de la programmation, c'est donc le graphisme, hein, qui est à la base même du jeu, c'est ce que l'on montre pour vendre un projet, l'esquisse qui permet vraiment de se lancer dans la réalisation du projet. Pour beaucoup de graphistes interrogés, il s'agit d'une étape de réflexion parfois longue où le travail d'équipe a son importance. A ce titre, hein, il exige une règle d'or que se devra de respecter tout créateur en herbe. Il faut absolument être au courant de tous les softs qui sortent sur le marché, observer donc leur vue, cette fameuse vue, leur concept graphique et bien sûr tenter d'en inventer de nouveau, de miser sur l'originalité dès que c'est possible. Cette notion de vue est cependant moins fondamentale dans la réalisation des jeux d'aventure. Il s'agit plus, dans ce dernier cas, de coller à une ambiance visuelle, de respecter l'idée mise en place par le scénariste. Alors après, on nous parle d'une préparation poussée, hein, et on nous dit que pour ne pas perdre de temps lors de la phase de réalisation, graphistes, scénaristes et programmeurs vont établir un cahier des charges. Pour les décors, les sprites et l'animation, le graphiste doit suivre ici toutes les phases de choix de couleurs, choix du nombre de positions pour un personnage, d'écran, etc. Philippe Dessoli, hein, donc graphiste, chez Océan, sur Ivanhoé, avec Michel Baquet, passe environ un mois à établir son cahier des charges. C'est une période qui me passionne, hein, nous dit Philippe Dessoli, même si j'ai toujours envie de passer au plus vite au travail sur la machine. Et concernant les outils, on nous dit que les graphistes français travaillent quasiment tous sur Amiga ou Atari ST. Les softs de dessin les plus populaires sont les suivants, Deluxe Paint 3, la gamme des softs Cyber et Degas Elite. Quoi qu'il en soit, beaucoup de graphistes utilisent plusieurs logiciels. Deluxe Photo Lab, hein, pour le traitement des couleurs, DigiVu et Vidi ST pour la digit, Sculpt 3D et CyberSculpt pour l'emploi de la 3D. Tout dépend en fin de compte de deux facteurs. Il faut savoir exactement de quelle tâche il s'agit et surtout manier toujours le même soft pour finalement le connaître à fond et oublier que l'on produit un jeu. Certains dessinateurs travaillent ainsi sur des softs maison. Chez Océan, graphistes et programmeurs se servent d'un programme créé spécialement à leur intérêt. attention. Ce logiciel offre une souplesse et une ergonomie que l'on ne retrouve nulle part ailleurs pour la création et l'animation de sprites. Océan possède également un programme équivalent pour la mise en place des décors par bloc, idéal pour les jeux d'action. Concernant le choix des couleurs, on nous dit que le choix de palette doit être pris en compte avant même le tracé du premier croquis. Ce travail est très souvent long. Il doit tenir en compte de l'ambiance que l'on veut donner au soft, mais aussi des restrictions liées à la programmation et à la place mémoire. Alors Stéphane Pollard, chez Lancor, nous dit « Dans l'illustration classique sur papier, on n'est jamais limité dans le choix des couleurs. Sur micro, j'ai appris à me servir au mieux des mélanges de teintes à jongler avec une seule palette. C'est passionnant !» Et donc le graphiste, nous dit-il, dispose en effet de 16 couleurs au maximum. Alors, 16 couleurs, vous voyez, par rapport à aujourd'hui, c'est quand même, le contraste est assez saisissant. Alors on nous parle aussi un peu plus loin du tracé fil de fer. On nous explique que le graphiste, une fois qu'il a défini sa palette de couleurs, va tracer à main levée les premières esquisses de son décor. Cela correspond au travail du peintre lorsqu'il trace au fusain les bases d'un tableau. L'option K-Line, qui permet d'enchaîner des lignes à l'écran, est très souvent utilisé ici. Tout à la souris, Eric Chailly, donc qui à l'époque se fait vraiment connaître pour son travail sur les voyageurs du temps de Paul Cuisset, trace son décor en graphisme fil de fer. Il prend en compte les éléments de décor décidés par le scénario et surtout l'orientation du plan de vue. Pour la perspective, la plupart des graphistes utilisent tout simplement d'un point de fuite au fond d'un écran à partir duquel ils tirent toutes les lignes fortes du décor. Et comme dernière manipulation, un petit travail à la loupe pour vérifier que toutes les lignes se rejoignent, qu'il n'existe pas de trou gênant pour le coloriage. La lumière est à la base de toute image, affirme Eric Chailly. Aussi, nous dit-il, imaginez votre source lumineuse, le soleil, une lampe ou un décor intérieur, et notez toutes les surfaces éclairées directement, celles qui le sont un peu moins, et celles enfin qui demeurent dans l'ombre. Donc ça, les graphistes devaient vraiment prendre ça en compte aussi de manière très très très importante et très pointilleuse, vu que rien ne le calculait à l'époque pour eux. Contrairement au logiciel d'aujourd'hui, le dossier nous dit ensuite que les graphistes travaillent selon diverses techniques. La plupart d'entre eux commencent par remplir toutes les formes par une couleur simple à l'aide de la fonction remplissage que l'on trouve sur tous les softs de dessin. Ciel bleu, sol vert, mur d'un bâtiment gris, etc. Le rendu de la matière sera donné par la suite. Pour un mur de pierre, le graphiste va pointer la loupe sur le fond gris uniforme qu'il crée et y ajouter deux ou trois teintes médianes, soit au pixel près, soit à l'aide du spray. Une autre méthode de travail qui est aussi très largement utilisée. Avant de remplir les formes du dessin, le graphiste va travailler la matière sur une plage vide du décor. Lorsqu'il a par exemple obtenu l'effet de pierre, il le multiplie sur trois cadres distincts. Ensuite, il conserve tel quel le premier cadre, il assombrit légèrement le cadre 2, un peu plus le cadre 3. Il ne lui reste plus qu'à remplir les éléments de dessin avec ses brosses, en respectant bien sûr la source de lumière. Alors on nous dit que bien sûr les softs de dessin performants offrent à l'utilisateur des fonctions qui peuvent faciliter le travail de la matière. L'emploi des dégradés de Deluxe Paint 3 permet d'obtenir très vite 3 teintes plus ou moins foncées de la même matière. Mais pour Dominique Sablon, graphiste sur Mopiti, Vroom ou encore Tenniscope, l'emploi de telles techniques ne vaut pas le travail à la loupe. Ce créateur préfère trouver la matière directement sur le dessin. Il utilise pour cela beaucoup d'astuces. Des astuces top secrètes, nous dit-il, qui s'apparentent souvent à la superposition de deux trames, de deux matières. Dominique a créé, sous Deluxe Paint 3, des bibliothèques très complexes de trames et de textures. Il peut par exemple appliquer sur une teinte une trame qui l'éclaircira à 25, 50 ou 75%. Donc ce dossier, vous voyez, est très intéressant puisqu'il nous donne un petit peu des techniques des graphistes de l'époque. Donc c'est vraiment très très sympa, surtout quand on s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo. Un peu plus loin, sur les jeux d'action, on nous dit que, au contraire des jeux d'aventure, bien évidemment, les décors sont pour la plupart constitués de blocs, des blocs semblables en fait à des sprites. Le graphiste établit un panel complet de blocs. Il constituera ses dessins en juxtaposant ses 10 blocs. Cette technique permet un gain de place mémoire énorme par rapport à un grand nombre d'écrans fixes. Alors, il y a d'autres techniques aussi, tous les graphistes n'utilisent pas, bien sûr, les techniques de dessin citées dans ce dossier. Philippe Dessoli, qui travaille actuellement sur une conversion arcade, alors, scoop, rétro scoop, c'était la sublime adaptation arcade de Toki, qui sur Amiga est juste géniale, qui est la version la plus fidèle à l'arcade, non content en plus de proposer plein de musiques inédites qui défoncent celles qu'on entendait en arcade. Donc ça, c'est assez génial. Philippe Dessoli, donc, préfère quant à lui faire des croquis papier de tous ses sprites. Partir de rien, nous dit-il, hein, dit Philippe Dessoli, faire face à un écran noir, c'est horrible. Un peu plus loin, on parle aussi du temps et des conditions de travail. Et là, ça nous renvoie un petit peu à ce qui se passe en ce moment avec toutes les polémiques qui émergent, hein, que ce soit par rapport à Quantic Dream ou sur l'ensemble du milieu, hein, du jeu vidéo. On nous dit 200 disquettes d'ébauche, hein, et de décors pour BAT, plus d'un an de travail pour Mopiti Island, 300 digits pour Panza Kickboxing. Oh, Panza Kickboxing, ça rappellera aussi des souvenirs à mon frère Julien s'il nous écoute. Une semaine pour l'animation du décor de la maison de thé japonaise de Tsukiya. On ne dira pas que les graphistes sont des flemmards. En fait, un décor, un sprite pourrait toujours être amélioré. D'où les qualités maîtresses suivantes: beaucoup de volonté, ne jamais abandonner un projet et savoir organiser son travail. Face au programmeur, le graphiste, hein, de jeux d'action connaîtra souvent des temps morts. La mise en place du code programme est en effet bien plus longue que les dessins dans ce domaine. Il est important que l'artiste puisse alors s'occuper à d'autres activités liées au programme. Chez Computer's Dream, Olivier s'intéresse à la promotion du produit. Il gère aussi l'édition d'un fanzine en PAO. Chez Microids, hein, Cédric ne connaît pas de temps mort. Il gère à lui seul les graphismes de quasiment tous les softs. J'aime bien passer d'un logiciel à l'autre, cela me permet d'avoir du recul, de mieux juger d'un dessin lorsque je le reprends après avoir travaillé sur un autre logiciel, nous dit-il. Sinon, la meilleure solution réside dans le fait d'être freelance. À votre compte, hein, donc nous explique, est-ce que le terme n'était pas encore super connu, j'imagine, à l'époque. À votre compte, nous explique le magazine, c'est le cas d'Eric Chahi qui connaît des périodes de speed mais aussi quelques instants de repos. En fait, la masse de travail dépend pour beaucoup du type du soft traité. Les graphistes, hein, qui travaillent chez Lancor ont pour devoir de fignoler au maximum tout leur décor. Ils s'appuient à respecter à la lettre le contexte architectural de l'aventure. Plusieurs jours de recherche, hein, nous dit-on, sont nécessaires. De la documentation en bibliothèque, et oui, il n'y avait pas internet à l'époque, en tout cas on était vraiment aux prémices des prémices, et ne jamais laisser un pixel de trop. Résultat, il faut travailler plus d'un an sur un produit avant qu'il ne rapporte. D'après Dominique Sablon, il faudrait aujourd'hui 1 million de francs pour lancer le projet Mopiti Island dans des conditions salariales correctes. Au début de l'encore, toute l'équipe a travaillé pour 3 fois rien. Une expérience que je ne recommencerai plus, affirme Dominique. Et donc on nous dit combien gagne un graphiste. Parler salaire en France est toujours difficile. Ah oui, c'était déjà le cas à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. C'est très français. La plupart des graphistes indépendants ont répondu à nos questions par un sourire, certes sympathique, mais bien peu parlant. Eric Chahi travaille en indépendant pour Delphine. Il se dit par exemple très content de ce qu'il gagne, sans commentaire. Dominique Sablon a connu des temps difficiles. Maintenant qu'il est à son compte, voici ses explications en ce qui concerne le traitement des graphistes. Un graphiste indépendant trouve dans son contrat 2 modes de paiement. Tout d'abord, il touche une avance sur salaire, c'est-à-dire une somme qui lui est versée soit en totalité au lancement du projet, soit étalée sur la durée du travail. Ensuite, lorsque le soft est mis en vente, il touche un pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'éditeur. Bien sûr, pour toucher réellement de l'argent, il devra attendre le montant de ses royalties et attendre que ces montants remboursent l'avance qui lui a été versée. Ensuite, c'est le jackpot selon que le titre se vende ou non. Alors le calcul de ces fameux royalties, hein, est le suivant. Les éditeurs accordent environ 17 à 18% de leur chiffre d'affaires, hein, aux auteurs. Cette part d'auteur sera alors partagée entre le programmeur, le scénariste et le graphiste par exemple. Imaginez, nous dit-il, un soft vendu 200 francs hors taxe dans le commerce, soit 240 francs prix réel, en magasin. Environ 50% vont au distributeur. Alors en fait, nous dit-on, 45% seulement si le soft est très bon et jusqu'à 70% dans le pire des cas. Dans le cas moyen, il reste 100 francs. Les royalties, donc, sont alors de 17 francs, 17%. Le graphiste touchera au mieux un tiers de cette somme. Il faut payer le scénariste et le programmeur, soit environ 5 francs par logiciel vendu. Tout dépend ensuite du nombre d'exemplaires que vous achetez. Voyons maintenant quelques exemples précis. Dominique Sablon possède une expérience et une réputation qui lui permettent maintenant d'envisager les contrats suivants. Pour un jeu d'action, 70 000 francs est une somme raisonnable comme avance sur royalties. Sur un jeu d'aventure, entièrement réalisé par lui et son équipe, une somme fixe de 150 000 francs plus 10% de royalties permettrait à l'équipe de travailler dans de bonnes conditions. Et pour citer des chiffres vérifiés par le passé, sachez que Dominique Sablon touche 9% des royalties sur Tennis Cup, soit un peu plus de 9 francs par soft vendu. Un peu plus loin, on nous dit en ce qui concerne Infogrames, Dominique Giroux, graphiste depuis 5 ans dans cette maison, gagne actuellement un salaire brut de 9500 francs par mois. Deuxième exemple, le cas d'Océan France. Tous les graphistes de la maison touchent, quel que soit leur niveau d'ancienneté, 7500 francs par mois, brut, plus

L'avenir de Sega en 1992. Lors de notre dernier voyage au Japon, nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Yagi, le directeur du service Overseas de Sega. C'est Monsieur Yagi qui décide tout ce que Sega fait aux US et en Europe. Nous avons donc profité de cette rencontre pour l'interroger sur les projets de Sega. Voilà ce qu'écrivait Alain Hugues Lacour dans un numéro de Joypad en 1992, et plus précisément le numéro de décembre 1992, et vous verrez comme d'habitude, et ça c'est mon petit plaisir avec la revue de presse rétro, c'est la mise en perspective avec notre époque, avec l'histoire récente du jeu vidéo, c'est assez intéressant. Donc, Alain Hugues Lacour, qu'on ne présente plus, la légende de la presse française jeux vidéo, demande à Monsieur Yagi comment se portent ces gars actuellement. Et Monsieur Yagi répond: nous sommes très satisfaits de l'évolution de Sega car nous enregistrons une très importante progression cette année. Actuellement, la Mega Drive représente 70% du marché américain des 16 bits, ce qui est très satisfaisant. Notre stratégie a donc été payante, notamment ce qui concerne l'ouverture sur les éditeurs indépendants, alors qu'il y a quelques années, tous les titres Master System étaient réalisés par Sega. D'autre part, le fait que nous ayons pris une avance technologique sur Nintendo a joué un rôle très important dans cette progression. En effet, la Mega Drive est sortie bien avant la Super Famicom, le Mega CD est commercialisé depuis un an au Japon, alors que celui de notre concurrent n'est pas prêt d'arriver. AHL donc rebondit en demandant: pensez-vous pouvoir conserver cette avance technologique à l'avenir ? Monsieur Yagi répond: oui, sans aucun doute, la sortie du CD-ROM Nintendo est sans cesse retardée, ce qui nuit gravement à la crédibilité de cet appareil. D'autre part, notre nouvelle console 32 bits est pratiquement prête et je doute fortement que notre concurrent puisse en dire autant. Donc là, vous l'aurez compris, il nous parle de la future Saturn. Autre question donc qu'on lui pose: puisque votre console 32 bits est au point, comptez-vous la commercialiser très rapidement ? Et là, Monsieur Yagi répond: le problème n'est pas aussi simple que cela. La console est au point. En fait, nous avons commencé à développer cette nouvelle console au moment où nous avons commercialisé la Mega Drive, et nous avons donc eu le temps de progresser dans ce domaine. Mais ce n'est pas le hard qui pose un problème, c'est le soft. En effet, si nous commercialisons une console 32 bits, nous devons offrir avec des jeux nettement plus performants que ce qui se fait actuellement. Or, le développement de tels jeux prend beaucoup de temps et nous ne sommes pas encore prêts. Donc là, Joypad dit: il est clair que vous croyez beaucoup au Mega CD, pourtant cet appareil ne semble pas avoir remporté le succès escompté au Japon. Ce à quoi Monsieur Yagi répond: il est vrai que le Mega CD ne s'est pas encore imposé, mais cela n'est pas inquiétant dans la mesure où le seul problème est que cet appareil ne dispose pas de jeux novateurs, ce qui ne devrait pas durer. En effet, nous préparons de nombreux titres très originaux qui seront des jeux CD spécifiques, mais cela prend du temps. En fait, la nouvelle génération de jeux sera beaucoup plus proche du cinéma. Nous travaillons actuellement sur des projets différents de cinéma interactif. Ces jeux sont réalisés en studio avec des acteurs à partir de solides scénarii. Excusez-moi. Le premier jeu de cette génération est Night Trap. Voilà pourquoi je rigolais. Pour ceux qui connaissent Night Trap. Qui est pratiquement terminé. Night Trap est une exclusivité composée de séquences filmées et le concept du jeu est totalement original, mais il y aura d'autres jeux basés sur des concepts très différents. Donc là, AHL demande: êtes-vous équipé pour réaliser des jeux de ce type qui font davantage appel à des techniques cinématographiques qu'à de la programmation ? Monsieur Yagi dit: un jeu traditionnel est réalisé avec des graphistes et des programmeurs, alors que pour cette nouvelle génération de jeux, il nous faut utiliser des studios et faire appel à des acteurs, des cinéastes et des ingénieurs du son. C'est une infrastructure entièrement nouvelle dont nous devons disposer et nous faisons actuellement le nécessaire. Et donc ce cher Alain dit: vous nous avez montré Night Trap sur Mega CD, c'est effectivement un programme d'un genre vraiment nouveau. Mais comme les dialogues sont dits par des acteurs américains et qu'ils jouent un rôle très important dans le jeu, il sera pratiquement impossible d'y jouer si l'on ne parle pas couramment anglais. Monsieur Yagi répond à ça en disant: en effet, cela pose un problème qu'il va nous falloir régler. À cet égard, nous envisageons actuellement la possibilité de monter un studio en Europe dans lequel nous pourrions réaliser les versions françaises, allemandes, espagnoles, etc. de ce type de jeu. Les branches européennes de Sega seront alors chargées d'engager des acteurs de chaque pays afin de rendre ces jeux accessibles au grand public. Du reste, nous sommes actuellement en discussion pour engager des acteurs de cinéma connus. Depuis un certain temps, des rumeurs circulent sur la sortie d'un nouveau modèle de Mega CD. Que Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Et là, Monsieur Yagi répond : nous allons commercialiser très prochainement le Mega CD 2. Cette version de la machine offrira notamment l'avantage d'être vendue moins cher que le modèle précédent. Alors que le Mega CD se plaçait en dessous de la Mega Drive, cette nouvelle version relookée se connectera sur le côté de la Mega Drive. Cela dit, il est important de signaler que le Mega CD 2 sera totalement compatible avec le modèle précédent. Autre question qu'on pose à Monsieur Yagi, vous savez sans doute que Matsushita et Warner envisagent de commercialiser une nouvelle console et Sony semble sur le point de s'y mettre également. Redoutez-vous la concurrence de ces nouveaux venus ? Et c'est là que c'est tristement drôle, en tout cas pour les fans hardcore de Sega, que je salue. Donc Monsieur Yagi répond, franchement, cela ne nous inquiète pas. Bien sûr, la console que prépare Matsushita sera sans doute performante et Sony ne devrait pas être en reste, mais... comme je vous le disais tout à l'heure, le problème n'est pas le hard, mais le soft. En effet, ni Matsushita ni Sony n'ont une solide expérience de jeu, alors que nous avons fait nos preuves depuis longtemps dans ce domaine. En fait, notre point fort, face à nos éventuels concurrents et même face à Nintendo, c'est notre expérience du jeu d'arcade. Il ne faut pas oublier que Sega est le numéro 1 de l'arcade depuis très longtemps, et que notre expérience nous donne un avantage certain. La technologie est la clé du succès et ces nouveaux venus ne savent pas créer l'excitation d'un jeu. Or, c'est en jouant que l'on mesure la différence entre une console et une autre. Avant-dernière question hein, de Alain Hugues Lacour. Il demande « Sur quel autre projet travaillez-vous actuellement ?» Monsieur Yagi répond « Comme nous sommes toujours à la recherche de nouvelles technologies, nous travaillons actuellement à la création de nouveaux outils de développement. C'est l'une de nos priorités car de tels outils devraient nous permettre de réaliser des jeux encore plus performants et ce, avec un temps de développement nettement plus court. Notre objectif est de passer de 2 à 1 an pour le développement de jeux très sophistiqués. C'est dans l'intérêt du public, car en diminuant le coût de développement, nous devrions pouvoir baisser le prix de nos jeux. D'autre part, nous travaillons toujours sur un nouveau système multimédia qui nous permettrait d'ouvrir de nouvelles voies en combinant jeux vidéo, cinéma, hi-fi, etc. Dernière question, est-ce que Sega s'intéresse à la réalité virtuelle ? Et donc oui, Monsieur Yagi répond, Sega... étant toujours à la pointe de la technologie, nous nous intéressons beaucoup à la réalité virtuelle. Il est encore un peu tôt pour vous dévoiler nos projets dans ce domaine, mais je peux déjà vous dire que le service recherche et développement de Sega a déjà réalisé un prototype de jeu d'arcade en réalité virtuelle. La réalité virtuelle par Sega, c'est pour très bientôt dans les salles d'arcade. Voilà, il me tenait, comme d'habitude, hein, à cœur de vous rapporter donc ce genre d'article. Je trouve que c'est toujours très intéressant de voir ça avec un œil d'aujourd'hui. Voilà. Portez-vous bien, amusez-vous bien, jouez bien, gros béco, gros bisous et bye bye. Qu'est-il arrivé à la micro-informatique familiale pour qu'elle se mue irrésistiblement en micro-informatique masculine? Dans ce petit monde, comme le remarque Plantu en politique, ça manque de femmes. C'est un problème dépassé. Il y a 5 ans, on pouvait s'en inquiéter, mais maintenant, tout a changé, affirment certains. Que nenni ! Les études ponctuelles les plus récentes concordent pour démontrer l'absence de femmes dans le domaine. Il suffit de jeter un coup d'œil aux joueurs des salles d'arcade, aux clients des magasins de micro-informatique et aux visiteurs des expositions pour réaliser l'ampleur de la désertion. Bien sûr, en micro-informatique, comme partout ailleurs, il existe des passionnés des deux sexes, mais force est de constater qu'il y en a beaucoup plus du côté masculin que féminin, surtout si l'on s'attache à l'utilisation personnelle de l'informatique et aux jeux sur ordinateur. Car des femmes programmeurs, des chercheurs féminins, des étudiantes en informatique, il y en a, même si elles sont encore minoritaires par rapport aux hommes. La profession se féminise. Mais peu de femmes jouent ou programment dans un but personnel. Très peu de filles s'acharnent des nuits entières, les yeux pochés par le manque de sommeil, pour pulvériser les scores de Gold Runner ou percer le secret d'Ultima 4. Or, de nombreux psychologues, particulièrement aux États-Unis, ont étudié l'apport de la pratique des jeux informatiques qui permet d'aborder cette discipline sous un jour gratifiant. Ainsi, M. Loftus, professeur de psychologie à l'Université de Washington, déclare-t-il « Si, comme je le crois, les jeux aiguisent l'envie d'apprendre plus au sujet des ordinateurs et que cet avantage est en train d'être pris par les garçons de façon quasi exclusive, alors de nouveau les femmes vont être reléguées dans la situation d'infériorité des siècles passés. C'est pourquoi les parents qui s'inquiètent de voir leur fils passer trop de temps sur les jeux vidéo devraient plutôt se soucier d'y intéresser leur fille. » Comme le souligne Yvette Roudy, on a toujours tort d'avoir un train technologique de retard. Il est donc urgent de se poser la question, pourquoi les femmes s'intéressent-elles si peu à la micro-informatique? Les explications fournies à l'appui de cette désertion sont légion. On navigue entre les raisonnements les plus loufoques, les différences de capacité visio-spatiale entre les hommes et les femmes entraîneraient une moins bonne coordination main-œil chez ces dernières et donc une plus grande difficulté face aux ordinateurs. Les clichés les plus ravageurs sont donc légion. Les femmes sont moins douées pour la technique, elles ont moins l'esprit de compétition, elles sont moins joueuses, etc., etc. Et les explications de fond qui s'attachent au contexte culturel dans lequel évolue la micro-informatique pensée et conçue comme masculine et à la répartition des rôles selon les sexes dans notre société. Le questionnaire paru dans Tilt et sur le serveur du journal rassemble toutes les réflexions couramment entendues sur le sujet. Lorsque les femmes ne jouent pas, c'est d'abord parce que les jeux ne correspondent pas à leurs attentes ou parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion. Bizarrement, 86% d'entre elles ne considèrent pas la micro-informatique comme un domaine culturellement masculin. À la question « Pourquoi, à votre avis, les femmes s'intéressent-elles moins à la micro-informatique que les hommes ?» une réponse arrive en tête, le manque de temps. Les femmes ont un emploi du temps plus chargé que les hommes, ou encore, on peut entendre, « Qui fait le ménage après sa journée de travail pendant que monsieur copie ses disquettes ?» Bref, du grand n'importe quoi. Beaucoup évoquent le manque d'informations dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes. Sur le jeu proprement dit, beaucoup regrettent l'absence d'héroïnes et de jeux féminins. Plus pragmatique que les hommes, elle verrait moins d'attrait pour une occupation fondée sur des situations imaginaires qui, a priori, ne servent à rien et n'auraient pas besoin de s'affirmer comme la meilleure, la plus forte à travers un héros imaginaire. Là encore, du grand n'importe quoi. Quant aux discriminations culturelles subies par les femmes en micro-informatique, outre les remarques du type « elles sont écartées » ou « la chaise de l'ordinateur n'est jamais libre », les deux témoignages suivants sont éloquents. Ainsi, une commerçante de 25 ans nous dit « Quand je vais dans un magasin d'informatique et que je demande quelque chose, la plupart du temps le vendeur interroge « C'est pour vous ?» avec un léger sourire. Alors, je ne pose pas de questions au vendeur, je lis et achète en fonction de ce que j'apprends dans les livres. Je pense également que la publicité y est pour quelque chose. Les hommes programment et les femmes font du traitement de texte. » Fin de citation. Et cette étudiante en sciences politiques de 19 ans nous dit « Il n'y a qu'à voir la tête excédée des vendeurs quand une femme demande des renseignements sur la carte 3XTEL compatible. » Quand on fait de la micro-informatique, on aime en parler, échanger des trucs, continue-t-elle. Les garçons parlent entre eux, il est possible de s'intégrer. Les filles font donc de l'informatique en douce. Fin de citation. Enfin, citons ces deux réflexions qui renvoient dos à dos culture et nature. Pour une des lectrices, hein, donc de Tilt, le manque d'intérêt des femmes tient, je cite, à la différence fondamentale entre les deux sexes. Les filles sont plus enclines à la rêverie, aux activités moins rationnelles, au contact humain. La relation avec une machine me paraît totalement inutile et infructueuse. Fin de citation. Alors que pour une autre, c'est une question culturelle amenée à évoluer. Je cite, on peut donner des tas de raisons expliquant le fait qu'il y a peu de femmes mécaniciennes, pilotes de course ou soudeuses. Pour l'informatique comme pour le reste, cela viendra inévitablement. Fin de citation. En attendant, une chose est sûre, le marché cible les hommes à l'instar des jeux dans le domaine familial et des publicités dans le champ professionnel. L'une comme l'autre vole au ras des clichés sexistes. On retrouve toute la gamme des préjugés fossiles qui mettront du baume au cœur des nostalgiques de la misogynie pure jus, consternant ou drôle selon votre sensibilité. Quelle est la représentation des femmes dans les jeux informatiques? C'est simple, elle n'est pas. Rambo, Cobra, Rocky, Crash Garrett, Billy la banlieue, Indiana Jones, Bob Moran, Bill Palmer, Blueberry, peu importe le type de jeu, le protagoniste est toujours un homme. Les femmes, lorsqu'il y en a, sont reléguées au rôle passif de la princesse enfermée dans le donjon ou de la belle qui se donne au plus fort quand elle n'incarne pas les personnages négatifs de la vamp capricieuse, de l'espionne vénéneuse, voire de la sorcière. Les jeux sur ordinateur véhiculent les mêmes clichés que la bande dessinée des années 60. À une époque où l'on porte la plus grande attention à l'image de la femme et de l'homme qui est donnée aux enfants, que ce soit dans les manuels scolaires, les livres pour la jeunesse ou les jeux informatiques en sont restés au vieux schéma sexiste. Et cet imaginaire est tellement ancré dans l'univers de la micro-informatique que le seul fait d'en parler vous fait passer pour une féministe acharnée. J'exagère à peine. Dans la plupart des jeux, la femme est capricieuse, dépensière, roublarde ou inexistante dans son rôle de pot de fleurs, repos du guerrier, voire de carotte qui vient récompenser la quête du héros. Dans Harry et Harry, Marthe Harry est de votre côté si vous vous conduisez en parfait goujat. Il est alors de bon ton de lui envoyer votre fumée au visage. Dans King of Chicago, Pinky Callaghan mène sa maîtresse Lola à la baguette pour éviter qu'elle ne le mène à la ruine. Dans les jeux d'aventure, cela tourne à l'obsession, la femme est toujours prisonnière. Est-ce un délire maniaque de la part des programmeurs qui fantasment sur la femme enchaînée ou un manque d'inspiration? Dans Dungeon Maker de Ubisoft, il y a bien des personnages féminins, mais pour elle, ce sont les points de beauté qui comptent. Méfiez-vous des femmes, mais on garde la notice de Is No Good chez Infogram. Rares sont les jeux qui proposent une version féminine de leur scénario, comme le fait Alter Ego d'Activision, superbe aventure interactive qui guide le joueur à travers les choix fondamentaux de l'existence. Parmi la trentaine de strip poker existants, seul Artworks propose une version féminine. Et si une Samantha Fox digitalisée se déshabille sur bande magnétique, les filles ont encore échappé au charme mammaire d'un Arnold Schwarzenegger pixelisé. Maria Whitaker, hein, une des pin-up révélées par le Sun, s'affiche poitrine en avant sur la jaquette de Barbarian de Palace Software. Cette présentation, jugée trop accrocheuse, a d'ailleurs été refusée par la chaîne anglaise de distribution Baus. À deux reprises en Grande-Bretagne et aux États-Unis, des associations de femmes se sont mobilisées pour dénoncer le sexisme de certains jeux. En mars 1983, l'association des femmes contre la pornographie proteste contre le logiciel Custer Revenge sur console Atari, où l'on voit le perdant héroïque de la bataille de Little Big Horn gagner une indienne en récompense de ses exploits. Plus récemment, une association anglaise a protesté contre une scène de viol dans Les Passagers du Vent. Les éditeurs sont les premiers à reconnaître la misogynie des jeux. Oui, les jeux sont sexistes, car l'informatique est un domaine masculin, comme l'automobile, remarque Frédéric Pinlet de Jokes. C'est vrai, certains scénaristes ou certaines publicités sont sexistes, mais il ne faut pas généraliser, temporise Emmanuel Vio d'Air Informatique. Pour d'autres, les femmes sont plus absentes que dénigrées, comme le pense Christine Kemard de Ubisoft ou Albert Loridan de US Gold. Pour Francis Blow de Free Game Bloat, je cite, « Ce n'est pas les jeux qui sont sexistes, mais la clientèle qui l'est, et nous mettons donc sur le marché des jeux adaptés à cette clientèle. » Mon Dieu, c'est terrible, excusez-moi de ce petit commentaire. À l'appui de cet argument, il faut reconnaître que les quelques tentatives mises en œuvre pour toucher la clientèle féminine n'ont pas toujours été couronnées de succès. Amazon Woman de US Gold a été un flop commercial. Même constat pour la poupée Barbie d'Epix ou encore Serenade développée par Jokes, qui plaisait surtout aux filles. En revanche, Mimi la fourmi, un des meilleurs jeux éducatifs du marché développé par une Québécoise, a eu un certain succès dans son domaine, par nature ouvert à un large public. Citons encore La femme qui ne supportait pas les ordinateurs, un roman interactif écrit par Shin Lanzmann et édité par Froggy Software. Jean-Louis Le Breton, directeur de la société, affirme d'ailleurs avoir une clientèle féminine à 40%. Mais Froggy Software occupe une place à part dans l'édition de jeux, avec un catalogue fait exclusivement de logiciels d'aventure et de vente qui reste marginal face aux milliers de programmes d'arcade vendus par ailleurs. Au-delà de l'aspect machiste des scénarios, on peut se demander si les types de jeux proposés, jeux de guerre, courses de voitures, invasions spatio-galactiques, ne sont pas plus masculins que féminins. Les femmes seraient plus naturellement portées sur les jeux d'aventure ou de découverte. Ainsi, bien souvent les femmes interrogées sur l'absence de joueuses informatiques parlent de la pauvreté de l'offre. Les jeux sont idiots et simplistes, il est donc normal que les femmes ne s'y intéressent pas, peut-on entendre. De même, les programmeuses ou scénaristes féminines travaillent plus souvent sur des jeux d'aventure. Ainsi, Anita Sinclair dirige la marque Magnetic Scroll, connue pour ses somptueuses aventures The Pawn, Guild of Thieves et Jinxter. Béatrice Langlois a été primée pour Mortville Manor. Clotilde Marion a écrit le scénario de Même les pommes de terre ont des yeux. Mais tout n'est pas si simple. L'expérience prouve que les femmes qui jouent aiment aussi les jeux d'action. Le questionnaire paru dans Tilt montre, en effet, que si les jeux d'aventure arrivent en tête des préférences des lectrices avec 55%, ils sont immédiatement suivis par les jeux d'action choisis par 47% d'entre elles. De même, si 56% sont plutôt d'accord avec l'affirmation suivante, les jeux micro-informatiques répondent davantage aux attentes masculines, 43% ne le sont pas du tout. Stéphanie, 12 ans, une passionnée, considère que les jeux sont faits pour tout le monde, même les jeux de combat sont amusants. Toutes mes amies aiment les jeux, je ne sais vraiment pas pourquoi, il y a plus de garçons que de filles, il n'y a pas de raison. Dont acte. La balle est dans le camp des éditeurs et scénaristes pour créer un nouveau type d'héroïne positive. De même que les jeux sont sexistes, les publicités renvoient à une image de la femme qui n'est guère plus reluisante. La publicité est un excellent miroir de l'utilisateur type puisqu'elle ne met en scène, de façon quasi exclusive, que des hommes. Lorsque les femmes apparaissent, c'est en tant que secrétaire, spectatrice ou simple faire-valoir et faire vendre. La campagne d'Yvette Roudy contre les discriminations sexistes, notamment dans la publicité qui aboutit à la loi du 25 juillet 1985, n'a apparemment pas laissé beaucoup de traces. Comme pour les tracteurs, le corps féminin fait merveille dans la vente de circuits imprimés, à l'instar de cette délicieuse publicité. Découvrez le XIS Baby, le PC XT portable, où l'on voit le mannequin découvrir son corps partiellement masqué par le portable, élégamment placé entre ses jambes. Une pure merveille sexiste, tant par sa qualité visuelle que par les clichés qu'elle véhicule. Tout aussi innocente, une des annonces passées par Victor dans la presse exhibe certes une femme appuyée sur un ordinateur, mais cette petite photo est surmontée d'un grand cliché montrant une sensuelle bouche féminine qui nous dit « Oui, j'aime l'argent » et à puissance égale « J'adore l'énorme écart des prix entre Victor et une autre marque ». Sexistes les publicités ? Allons donc ! Hewlett-Packard, dans sa campagne bureautique intitulée « Le plus court chemin d'un cerveau à l'autre », place des acteurs sur la ligne symbolisant le chiffre d'affaires croissant d'une société, la femme étant bas. Gaëtan Sauveboeuf de l'agence Grey se défend de tout racisme lié au sexe en arguant que la couche symbolise les échanges d'informations et que la femme est à la source de ce dialogue. Bien sûr, la publicité n'est que le reflet des mentalités et elle se défend d'avoir à les changer. De même, elle vise les marchés existants et non pas les marchés potentiels. Il n'empêche, l'agence Alice en charge du budget Victor reconnaît que ce sont uniquement des hommes qui sont représentés parce que les cadres informatiques sont des hommes. Il n'est pas judicieux pour eux d'aller plus loin. Même réaction de la part d'Isabelle Neuhaus qui s'occupe de la communication pour Amstrad. La culture informatique est masculinisée. La publicité exploite les leviers existants. Elle ne fait qu'accélérer les phénomènes mais ne les crée pas. La femme n'a pas le crédit initial, alors pourquoi les annonceurs affaibliraient-ils leur image ? Ce n'est pas notre rôle de faire avancer les choses. Hein ? Ça c'est bon à savoir aussi. Heureusement, il y a Thomson qui apporte une bouffée d'air avec sa dernière campagne pour le TO-8D, conçu pour tous, les mordus. Face à l'ordinateur, l'agence Polaris a aligné une brochette de personnages de tout horizon, petits et grands, jeunes et moins jeunes, filles et garçons, matheux, sportifs, danseuses ou graphistes. Tous sont des utilisateurs potentiels du TO-8D, une publicité colorée, gaie et ouverte qui va à l'encontre de tous les stéréotypes et mériterait un prix à l'instar de la campagne United Colors de Benetton. Dans l'ensemble, les constructeurs de machines ou éditeurs de logiciels ne s'adressent pas aux femmes. La micro-informatique reste un monde d'hommes. Il est alors difficile d'échapper au paradoxe de l'œuf et de la poule. Les femmes ne s'intéressent pas à la micro-informatique parce que celles-ci les ignorent, ou le marché est-il avant tout masculin parce que les femmes ne se sentent pas attirées naturellement par la micro-informatique. Cette interrogation nous renvoie d'une part à l'étiquette collée à la micro-informatique qui en fait dès l'origine un domaine masculin, et d'autre part au penchant naturel des hommes et des femmes. La micro est-elle condamnée à rester en domaine masculin à tout jamais ? Certainement pas. Au début de la micro-informatique grand public, fin 1981, tout le monde pariait sur l'utilisation familiale des micros. L'informatique allait envahir les foyers, devenir indispensable à tous. 6 ans plus tard, on parle encore de micro-informatique familiale, quand il serait plus juste de parler d'utilisation personnelle et masculine. L'étude marketing réalisée lors du lancement de l'Alice début 1982 tablait aussi sur un public très large avec le but avoué d'ouvrir un nouveau marché, d'offrir une clé d'accès aux gens qui avaient peur de l'informatique. Foin de technique, il fallait prouver la simplicité d'utilisation. L'emballage du produit était également révélateur. Tous les ordinateurs étaient gris, donc celui-ci sera rouge. Ils portent tous des noms bâtards, il sera baptisé Alice. Dessiné par Moebius, Alice est humaine, chaleureuse et symbolise l'entrée dans un autre monde, le pays des merveilles. La campagne de publicité se détourne de la presse informatique pour toucher le grand public à travers Elle, Télé 7 jours ou Paris Match. Résultat des courses, 10 000 machines vendues au Noël 1983 et 3 000 de plus au cours de l'année suivante. Autant dire très peu. Certes, la machine était tout sauf performante. Mais pour la première fois, un constructeur rompait avec la clientèle traditionnelle des hobbyistes passionnés. Peut-être était-ce encore trop tôt. Depuis, l'informatique s'est simplifiée, l'ergonomie à la Macintosh démocratisée avec l'arrivée de l'Atari ST, et surtout les capacités et l'utilité des machines se sont démultipliées. Micro-édition, outils graphiques performants, programmes musicaux spectaculaires, jeux de plus en plus attrayants, l'informatique quitte peu à peu le giron des passionnés et bidouilleurs pour toucher un large public. Scénaristes, artistes, musiciens apportent leur talent à la création de jeux. L'informatique devient un produit culturel plus riche et plus ouvert. Alors, l'informatique asexuée, c'est pour quand ? Demain, à n'en pas douter. Ce dossier dont je vous ai retranscrit de là, on va dire 70%, car il est extrêmement long. Je vous en ai pris les passages qui me semblaient les plus marquants. Et signé Nathalie Meisterman, cela a été écrit dans un tilt datant de 1988, il y a donc 30 ans. C'est là qu'on s'aperçoit que des progrès ont été faits, mais on est loin, très loin de tout ce qu'il aurait fallu faire. Et je voulais vraiment vous parler de ça ce matin, sans autre news, sans autre forme d'introduction, juste vous livrer ce texte brut qui est un témoignage de l'époque, une photographie de la condition féminine dans le milieu de la micro-informatique et par extension dans la société, hein, à travers les publicités de l'époque. En 88, voyez-vous, j'avais 12 ans. Je ne me rappelais plus que l'univers de la micro-informatique était si sexiste. Vraiment, avec mes yeux d'enfant, en tout cas de pré-adolescent, je ne l'avais pas tant remarqué que cela. Et replonger dans ce texte, je peux vous dire que ça fait un choc quand même. Voilà, j'aimerais qu'on continue à en débattre. N'hésitez pas sur le Twitter de l'émission, sur le Discord, sur le Facebook, vous le savez. Je tenais encore à vous remercier 1000 fois, chers tipeurs, pour votre soutien indéfectible, vraiment, qui m'est très cher. Allez, bye bye.

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre épisode du samedi. Bienvenue, chers tipeurs. Cet épisode qui vous est totalement exclusif, rien que pour vous, bien sûr. Alors, vous le savez, pour ceux qui sont tipeurs depuis un petit bout de temps, le samedi, c'est la rubrique revue de presse rétro. Et ce matin, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. Alors, on est toujours dans la revue de presse rétro, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais au lieu de vous lire un vieil article, j'ai eu envie de tenter ce matin de vous diffuser des extraits de vieilles interviews de créateurs japonais. Et plus particulièrement, pour quand même avoir une sorte de thématique, hein, qu'il y ait une certaine cohérence, de développeurs japonais. Alors c'est assez étrange puisque, bien évidemment, quand les développeurs japonais sont interviewés, soit ils sont sous-titrés, soit ils sont doublés. Donc j'ai pris des extraits qui étaient doublés, car dans les vieilles émissions de jeux vidéo en général, on n'était pas trop pour le sous-titre. Hein. Maintenant ça s'est bien démocratisé, mais c'est vrai qu'à l'époque, si t'avais pas un doublage par-dessus, c'était même pas la peine. Donc voilà, ce sont des créateurs japonais donc interviewés lors d'époques complètement reculées. Alors c'est un exercice de style un petit peu particulier. J'espère que cela va vous plaire. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Vous me direz ça dans les commentaires, bien sûr. N'oubliez pas, ça j'aime à le répéter à chaque fois malgré tout, si vous êtes tout récent tipeur, déjà bienvenue et merci hein, pour votre soutien. Vous avez accès bien sûr à l'intégralité des épisodes précédents depuis qu'il y a des épisodes inédits hein, sur le Tipeee. Alors récemment, j'ai pas tout regroupé dans le même, je dirais dans le même endroit, hein, dans le même cloud. Mais si vous déroulez l'historique hein, des news Tipeee avec les épisodes du samedi qui y sont postés à chaque fois, vous retrouverez tous les épisodes très facilement. Mais bon, je vais refaire une sorte de point là-dessus très bientôt, ne vous inquiétez pas. Bref, ce que je vous propose pour commencer, hein, c'est d'attaquer avec le plus célèbre d'entre tous, c'est-à-dire Shigeru Miyamoto, hein, que je ne présente plus quand même, le papa de Mario, de Zelda, de Pikmin, et de tant d'autres jeux fabuleux, l'architecte hein, de l'esprit Nintendo, en tout cas l'un de ses architectes, l'un de ses piliers, qui avait été interrogé par le magazine Envoyé Spécial hein, de France 2 dans les années 90, en pleine période Super Famicom. Donc je vous propose d'écouter ça tout de suite. Miyamoto desu. Je suis Miyamoto. J'ai 40 ans. Vous êtes connu comme étant le concepteur de Super Mario. Comment est-il né ? Je voulais concevoir un personnage bien particulier. Et je lui ai donné la forme d'un Italien moustachu. À cause de la taille réduite des personnages dans les jeux vidéo, il était important que le personnage ait des traits bien identifiables. Comme sur l'écran de la télé, le personnage est tout petit, il fallait exagérer les proportions du nez, de la bouche et des yeux. Il fallait donc tricher afin d'en faire un personnage facilement identifiable graphiquement, d'où la casquette, le gros nez et la moustache. Aujourd'hui, Super Mario est connu dans le monde entier. On en a tiré un film. Est-ce que vous pensez que Super Mario pourrait devenir un autre Mickey Mouse ? On fait souvent ce rapprochement, mais c'est plutôt une idée des médias. Nous essayons de ne pas perdre notre sang-froid. Mickey Mouse a vécu pendant 50 ans, donc pour pouvoir parler sur un pied d'égalité, il faudrait que Super Mario vive encore 50 ans. Oui, mais la compétition est énorme sur le marché, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais fondamentalement, il s'agit d'une compétition entre les producteurs et les consommateurs. Donc on essaye de ne pas considérer les autres firmes comme des rivales. On s'intéresse qu'à la supériorité du nouveau jeu par rapport au précédent. Les enfants d'aujourd'hui sont en effet inscrits dans des boîtes à bachots et des clubs de sport. Leurs parents leur disent sans arrêt de travailler et leurs emplois du temps sont très chargés. Ils pensent aux jeux vidéo même lorsqu'ils sont à l'école. Le fait de songer aux jeux, de faire travailler son imagination en pensant à une chose que l'on n'a pas réellement devant soi, sans aller jusqu'à dire que c'est une forme d'éducation, peut être considéré comme une forme d'apprentissage dans la croissance de l'homme, et je crois que c'est positif. On a vendu environ 12 millions d'exemplaires de Super Mario 3 aux États-Unis et au Canada, et 3 millions au Japon. Environ une famille sur trois possède un jeu vidéo. La question qui se pose est de savoir qui sont nos acheteurs et quels sont leurs besoins. Est-ce que vous êtes aussi créatif qu'avant ? C'est une chose qui m'inquiète. Les budgets sont grands et les sommes d'argent qu'on peut dépenser pour le développement d'un soft ne sont pas limitées chez Nintendo. Si j'étais indépendant, je m'exposerais à de grands risques et les décisions que je prendrais pourraient entraîner de sérieuses conséquences. Cela me ferait un peu peur. On finit par se demander si on est manager ou créateur. J'espère que vous avez apprécié en fond sonore hein, les remixes qui moi me font toujours autant tourner la tête hein, que le pas entendre dans Super Mario All-Star. Entendre Miyamoto vers la fin dire que voilà, sa peur c'est d'être plus un manager finalement qu'un créateur, c'est assez intéressant quand on sait que la suite de sa carrière, quelques années plus tard bien sûr, sera plus de la supervision que de la création pure et dure. Pour le deuxième extrait, j'aimerais vous ramener il y a bien longtemps sur Game One, avant No Life, où Alex pilote via sa boîte de prod Pocket Chamois, réalisait des docs absolument exceptionnels, dont un sur la game music, et j'aimerais vous diffuser un passage d'interview sur l'énorme Yuzo Koshiro, le compositeur entre autres hein, de Street of Rage, Act Treasure, et d'ailleurs qui avait composé pas mal de musique pour No Life également. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Vous avez vu, ça fait très professionnel hein. Trop peut-être, il faut que je... Ça faisait peut-être un peu trop radiophonique ou télévisuel là, ma façon de lancer le truc, mais enfin bon, allez, on l'écoute tout de suite. S'il y a nostalgie, c'est parce que la game music a toujours été une expérience à part. C'est aussi grâce au travail acharné de certains compositeurs pour explorer les limites des capacités sonores des machines 8 et 16 bits. Parmi eux, un certain Yuzo Koshiro. Quand j'étais au lycée, il y a trois jeux qui ont changé ma vie. C'est vraiment le destin qui les a mis sur ma route. C'était Druaga, Space Harrier et Gradius. Ce sont ces trois jeux qui m'ont décidé à faire ce métier. Les musiques étaient si belles. Il se lance donc dans le métier à 19 ans et grâce à son succès, fonde très vite sa société Ancient. Parmi ses travaux les plus connus, Streets of Rage et Act Treasure. Après avoir travaillé sur de nombreux jeux pour Super Nintendo et Mega Drive, il deviendra producteur sur le jeu The Story of Thor, dont il composera également les musiques. Il en réalisera aussi une suite pour la Sega Saturn. À cette époque, pour faire de la musique, il fallait avoir un certain niveau en informatique. Sans ces compétences, il était impossible de sortir un son correct, surtout en ce qui concerne la Mega Drive. Et c'est justement sur Mega Drive qu'est sorti son chef-d'œuvre, la série des Streets of Rage. Les sons utilisés sont révolutionnaires. C'est à la fois une réussite artistique et un exploit technique. Pour moi, Streets of Rage est un tournant dans ma carrière. Auparavant, je n'avais jamais fait que des musiques très stylées jeux vidéo. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Streets of Rage, c'était les débuts de la house music. À cette époque, j'adorais sortir en club et j'allais danser au moins une fois par semaine. C'est là que j'ai eu envie d'utiliser un peu ce genre de musique dans un jeu. Je reçois encore aujourd'hui des réactions de fans de Streets of Rage, surtout de l'étranger. Et au contraire, j'ai eu de très mauvais retours des joueurs japonais. Ça n'a pas plu du tout ici. Plus récemment, Yuzo Koshiro fut également chargé d'une partie des musiques de Shenmue. Sur Shenmue, le producteur Yu Suzuki était incroyablement précis dans ses demandes. Il expliquait ce qu'il voulait dans les moindres détails. Ensuite, je revenais la semaine suivante avec mes morceaux. Je les lui faisais écouter et là, il disait « Bon, ça va, je garde. » Ou alors « Ça c'est nul, à dégager. » Ça se passait comme ça. Thank you. Quand on fait ce métier, on a peu de temps pour se faire des amis. Mais malgré tout, je sors souvent avec M. Osoe et M. Sakimoto. Je m'entends bien avec eux car ce sont de vrais gamers. Et surtout Sakimoto, on est vraiment fans de jeux tous les deux. Quel bonheur de se réécouter du Street of Rage, du Egg Treasure et compagnie. Bref, hein, je sais pas vous, mais moi Yuzo Koshiro, c'est vraiment l'un de mes compositeurs préférés. Bref, ça fout toujours les poils, ça c'est clair. Pour continuer, un petit passage avec Yuji Naka, le papa, enfin le co-créateur en tout cas de Sonic, qui lors d'un document, d'une sorte de making-of promotionnel hein, pour les 20 ans de Sonic, était revenu sur la création, et même si le doc était un petit peu promo, voilà, pour promouvoir, il me semble, Sonic Génération à l'époque, bah, ses propos sont quand même super intéressants, puis ça reste Yuji Naka quand même, hein. Zut, hein, au bout d'un moment, ça reste quand même un des tauliers des années 90, et donc bah, on se l'écoute tout de suite. J'aime quand ça va vite. Et j'aimais assez l'idée de créer un jeu où plus on s'améliorait, plus on pouvait terminer un niveau rapidement. À l'époque, les jeux n'avaient pas de système de sauvegarde. Il fallait donc rejouer depuis le début, à chaque fois. Aujourd'hui, c'est différent. On peut reprendre là où on s'est arrêté, mais à l'époque, il fallait tout recommencer depuis le début. Le joueur devait donc reprendre plusieurs fois les niveaux et il devenait ainsi de plus en plus performant. Ça nous semblait bien de pouvoir permettre aux joueurs d'aller de plus en plus vite. C'est l'une des principales raisons de la rapidité de Sonic. Cette caractéristique devait aussi aider à différencier Sonic de Mario. Au final, cette contrainte m'a beaucoup inspiré. Comme les essais sur le jeu se déroulaient bien, Sega était de plus en plus persuadé que Sonic the Hedgehog serait le jeu vidéo qui donnerait à la Mega Drive l'élan dont elle avait besoin, en mettant en valeur les performances techniques vraiment révolutionnaires de la console pour l'époque. Même si la Mega Drive était une console haut de gamme, elle n'était toujours pas adaptée à l'époque à la programmation de jeux très rapides, comme je voulais le faire avec Sonic. On a donc vraiment dû travailler très très dur pour y arriver. Le jeu était vraiment très rapide et ça nous rendait malades parfois. Je me souviens avoir fait des mises au point au début et par la suite dans la conception du niveau. Mais je crois qu'on a fini par atteindre la vitesse maximale qu'on pouvait obtenir pour Sonic 1. On commençait peut-être à s'y habituer et ça nous inquiétait un peu au début. Bifurquons tout de suite, si vous voulez bien, sur l'une des grandes figures hein, de Sega, à savoir Yu Suzuki, que je ne présente plus, hein, Virtua Fighter, Virtua Racing, Shenmue, Outrun, Space Harrier, enfin bref, l'un des plus grands monsieur de l'arcade et du jeu vidéo tout court. Et ça, c'était dans un autre doc, hein, Pocket Chamois, qui était basé sur les jeux de baston. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Était déjà reconnu pour ses nombreuses expériences de 3D simulées en zoom de sprite comme Space Harrier et Outrun. Il est aussi célèbre pour Virtua Racing, Shenmue et bien évidemment la série des Virtua Fighter. Le développement de Virtua Fighter a commencé en 1991. À cette époque, Street Fighter 2 rencontrait un succès sans précédent en arcade. C'était vraiment un jeu exceptionnel. C'est alors que le grand patron de Sega m'a dit « Il n'est pas question de se laisser faire par Capcom. Nous aussi, nous devons avoir un jeu de combat. » Je me suis dit que, tant qu'à faire, autant tenter un nouveau challenge. On a donc décidé de faire un jeu de combat qui serait réalisé entièrement en trois dimensions. Virtua Fighter est une vraie révolution. Il a changé à jamais le monde des jeux de combat. Street Fighter 2 se jouait avec 6 boutons. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de plus simple, quelque chose de plus facilement jouable. Virtua Fighter se joue donc à trois boutons, poing, pied et garde. Suzuki est parvenu à créer un système de combat simple mais si profond et si parfait qu'il est encore en vigueur aujourd'hui. Ce qui était révolutionnaire, c'est la manière dont s'enchaînaient les coups et dont on effectue les combos. En 2D, il y a un décor fixe, une ligne de déplacement et quelques coups définis à l'avance pour les personnages. Virtua Fighter a ajouté une dimension supplémentaire et ça change tout. Ça ouvre des perspectives infinies dans les combats. Le processeur qu'on utilisait à l'époque était vraiment lent et nous n'avions pas beaucoup de mémoire disponible. Cette machine n'était pas vraiment faite pour la 3D. Mais si l'image n'était pas rafraîchie au moins 30 ou 40 fois par seconde, on aurait eu un rendu saccadé. Notre gros problème était de trouver le moyen de calculer suffisamment rapidement tous les paramètres. On a travaillé très dur pour mettre au point des algorithmes optimisés au maximum. Yu Suzuki savait que l'animation était primordiale. Même avec une 3D rudimentaire non mappée, il fallait une animation parfaite pour que le jeu ait un bon impact visuel. De nos jours, on peut se servir de la motion capture, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et de surcroît, personne dans le milieu du jeu vidéo au Japon n'avait encore jamais animé un personnage en 3D. Par la force des choses, tout le monde était donc débutant et on ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Si ce développement était si compliqué, c'est parce que c'était la première fois. Et je vous propose de finir cette édition particulièrement spéciale, atypique, avec Suda 51, Goichi Suda, qui, pour jeuxvideo.com, en 2008, nous parlait donc de No More Heroes, dont le spin-off ne va pas tarder à arriver sur Switch, comme vous le savez. Je suis un grand fan du bonhomme, je pense que je ne suis pas seul, et donc c'était l'occasion de ressortir quelques-unes de ses déclarations à l'époque, en pleine folie No More Heroes, justement. Allez, on s'écoute ça. Fuckhead! Wii で今あのカジュアルゲームがすごく中心になっていて、でファミリー向けのタイトルが多分今すごく一番盛り上が る。Il y a actuellement un nombre croissant de casual gamers au Japon et nous vendons beaucoup de titres familiaux dans l'archipel. Le marché pour ce genre de titres est très florissant. En sortant du développement de No More Heroes, je pensais trouver sur le marché beaucoup de jeux semblables aux nôtres. Mais force est de constater qu'il n'y a pas d'autres jeux d'action comme celui-ci. Je pense en toute modestie que notre jeu est unique. A mon avis, ce type de jeu remportera un grand succès auprès des joueurs occasionnels et saura profiter de l'essor de ce marché. No More Heroes est vraiment à mon image. Un cocktail composé pour 51% de style et pour 49% d'humour. Le personnage de Travis a un sens de l'humour assez développé. Il est tantôt vulgaire, tantôt complètement idiot, et souvent complètement à côté de la plaque. Quant au côté stylé dont je vous parlais, il illustre le fait que je suis un gentleman qui aime être habillé avec classe, ainsi que les beaux objets. Je m'intéresse beaucoup aux objets qui ont un design original. J'aime les vêtements de marque française et les meubles italiens, par exemple. J'en ai d'ailleurs quelques-uns chez moi au Japon. Ouais. Le personnage féminin du jeu s'appelle Sylvia Christel, mais ce n'était pas un clin d'œil volontaire au classique du cinéma érotique Emmanuel. Il s'agit d'une pure coïncidence, je m'en suis aperçu après coup en travaillant sur mon scénario. Pour No More Heroes, comme pour tous les jeux sur lesquels je travaille, j'utilise une méthode différente des autres développeurs. Dans notre studio de Grasshopper, nous avons plusieurs sections bien définies. Chaque session est ensuite divisée en départements. Dans la section jeu, il y a par exemple le département planning, celui de la programmation, du graphisme et enfin du son. À titre d'exemple, sachez que Tadaka-san est en charge du son. Je l'informe simplement, soit des mots-clés, soit du concept du jeu, et je réagis ensuite en tenant compte de ses idées, sa sensibilité, etc. Et il en va de même pour le graphisme. En revanche, pour la programmation, c'est une autre paire de manches, puisque dans ce domaine, nous partons souvent de zéro. Comme nous créons de nouveaux jeux et de nouveaux concepts de gameplay, il faut faire beaucoup d'essais avant d'arriver à un résultat satisfaisant. 机に貼り付いてやるっていう作業が一番多くなりますので、はい、そういう作り方になりますね。 Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'éléments dans No More Heroes qui s'inspirent directement de l'univers du rétro gaming. Lors de ma première rencontre avec le jeu vidéo, des titres comme Space Invaders, Pong et Breakout m'ont vraiment ému. C'était un véritable choc pour moi. Encore aujourd'hui, cette sensation est toujours intacte. C'est toujours l'image que j'ai du jeu vidéo. Je voulais arriver à provoquer le même genre de sentiment chez les joueurs d'aujourd'hui avec mes productions. J'essaie de rassembler tous ces petits ingrédients qui donnent un goût unique au bon jeu vidéo. Le jeu vidéo qui m'a le plus marqué et influencé est Another World d'Eric Chahi. La découverte de ce jeu m'a fait un véritable électrochoc à l'époque. Tout dans ce jeu m'a fasciné. Le style graphique autant que le gameplay. Quant au game design, c'est à la fois simple et terriblement profond. Cerise sur le gâteau, le scénario est très intéressant et l'emploi de la technique du flashback permet d'éviter de longues phrases de dialogue fastidieuses. Pour moi, ce jeu s'inscrit à mi-chemin entre l'art et le cinéma. Je n'avais pas joué depuis quelques temps quand je suis tombé sur ce titre à l'époque et ce fut une véritable révélation. Another World est ma bible. J'ai beau ne pas connaître Eric Chahi, il est un vrai maître pour moi. Je suis honoré d'être à Paris pour découvrir le pays d'où il vient. Eric Chahi est probablement Je n'ai pas de planning défini pour le moment, mais je désire vraiment donner une suite à No More Heroes. Il se trouve que Wada-san, producteur du jeu, est du même avis que moi. Nous discutons actuellement de la faisabilité de ce projet qui me tient à cœur. Pour Killer 7, c'est différent. La franchise appartient à Capcom. Je ne suis donc pas en mesure de vous dire si Capcom désire ou non exploiter cette licence. J'adore quand Suda51 dit Another World est ma bible. C'est vraiment un passage que j'aime toujours particulièrement. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'acheter le bouquin, j'en avais déjà parlé pas mal dans l'émission, de Florent Gorge, la biographie chez Omaki Books, consacrée à Goichi Suda, qui est passionnante d'un bout à l'autre, même si vous n'aimez pas spécialement ce que fait le personnage. Son parcours de créateur, son état d'esprit est vraiment passionnant à décrypter dans ce bouquin. Cette année, le salon de l'E3 a encore une fois rayonné de mille feux, avec une profusion de jeux et de nouveaux hardware surpuissants. Pourtant, une sensation de manque persistait. Le quota de babes sur les stands a baissé et celui des filles à l'intérieur des jeux vidéo s'est révélé proche du néant. Parmi les centaines de jeux présentés, seulement 5 proposaient une héroïne, dont 2 paraissaient être la personnalité la plus